Dans cet état d'esprit ridicule, je l'aperçus. Elle était debout, seule, devant une fenêtre lumineuse, et m'observait, non pas précisément par ses yeux qui étaient sévères et pensifs, mais eût-on dit par sa bouche, qui imitait ironiquement l'expression apparemment irritée de mon visage. Je sentis aussitôt l'attention impatiente de mes traits et pris un visage indifférent, après quoi sa bouche devint naturelle et hautaine. Puis, après un instant de réflexion, simultanément, nous nous sourîmes l'un à l'autre. Elle rappelait, si l'on veut, un certain portrait de jeunesse de la belle Bénédicte de Calem, qui joue un rôle dans la vie de Baguessen. On ne pouvait voir le calme obscurci de ses yeux, sans soupçonner la claire obscurité de sa voix. D'ailleurs, la natte de ses cheveux et le décolleté de sa robe claire étaient si bien de Copenhague que j'étais décidé à l'aborder en danois. Je n'étais pas encore assez près d'elle lorsque, de l'autre côté, un courant s'avança. Notre exubérante comtesse elle-même, dans sa distraction chaude et toujours enthousiaste, se précipitait sur la jeune fille, avec le concours de tous ses invités, pour la séquestrer aussitôt et lui demander de chanter. J'étais certain que la jeune fille s'excuserait en disant que personne dans la compagnie ne pouvait désirer d'entendre chanter en danois. Ce qu'elle dit, en effet, lorsqu'on lui permit de répondre. La foule, autour de la forme claire, devenait plus animée. Chacun savait qu'elle chantait aussi en allemand. « Et en italien !» ajouta une voix, en riant avec une conviction malicieuse. Je ne voyais pas d'excuse que j'aurais pu lui prêter en pensée. Mais je ne doutais pas qu'elle ne dût résister. Déjà, une expression de sécheresse mortifiée se répandait sur les visages fatigués, par des sourires trop prolongés. Déjà, la bonne comtesse, pour ne pas s'abaisser, reculait d'un pas, avec un air de pitié et de dignité. Et c'est alors, lorsque ce n'était plus du tout nécessaire, qu'elle céda. Je me sentis pâlir de déception. Mon regard s'emplit de reproches, mais je me détournai. Il était inutile de lui laisser voir cela. Alors elle se détacha de tous les autres et fut tout à coup à côté de moi. Sa robe m'éclairait, l'odeur fleurie de sa chaleur était autour de moi. « Je veux vraiment chanter, » dit-elle en danois, le long de ma joue, « non pas parce qu'il le demande, non pas pour l'apparence, mais parce que j'ai vraiment besoin en ce moment de chanter. » Dans ces mots éclatait la même intolérance irritée dont elle venait de me délivrer. Je suivis lentement le groupe avec lequel elle s'éloignait, mais près d'une haute porte, je restais en arrière et laissais les hommes se déplacer et se ranger. Je m'appuyai contre l'intérieur noir et miroitant de la porte et j'attendis. Quelqu'un me demanda ce qui se préparait et si l'on allait chanter. Je prétendis ne rien savoir. Tandis que je mentais, elle chantait déjà. Je ne pouvais pas la voir. L'espace s'élargissait peu à peu autour d'une de ces chansons italiennes que les étrangers tiennent pour authentiques, parce qu'elle repose sur une convention si apparente. Elle qui la chantait n'y croyait pas. Elle la levait avec peine. Elle faisait trop d'efforts. Par les applaudissements qui éclatèrent en avant, on pouvait apprendre que c'était fini. J'étais triste et honteux. Il y eut un peu de mouvement et je décidai de me joindre aux prochaines personnes qui s'en iraient. Mais alors il y eut tout à coup un silence. Un silence se fit que personne encore n'avait cru possible. Il durait, il se tendait, et à présent en lui s'élevait la voix. « Abélone, songeais-je, Abélone !» Cette fois, elle était forte, pleine, et cependant n'était pas lourde. D'une seule pièce, sans rupture, sans couture. C'était une chanson allemande inconnue. Elle la chantait avec une simplicité singulière, comme une chose nécessaire. Elle chantait. Toi à qui je ne confie pas mes longues nuits sans repos, toi qui me rends si tendrement là, me berçant comme un berceau, toi qui me caches tes insomnies, dis si nous supportions cette soif qui nous magnifie, sans abandon. Une courte pause et en hésitant, car rappelle-toi les amants, comme le mensonge les surprend, à l'heure des confessions. De nouveau le silence. Dieu sait qui le faisait-elle. Et puis les gens remuaient, se poussaient les uns les autres, s'excusaient, tout sautait. Déjà ils allaient passer un brouhaha général qui effaçait tout, lorsque soudain la voix éclata résolue, large et d'une seule poussée. « Toi seul tu fais partie de ma solitude pure, tu te transformes en tout, tu es ce murmure, ou ce parfum aérien. Entre mes bras, quel abîme qui s'abreuve de perte, ils ne t'ont point retenu, et c'est grâce à cela, certes, qu'à jamais je te tiens. » Personne n'avait attendu cela. Tous étaient comme courbés sous cette voix. Et à la fin, il y avait en elle une sécurité si forte que l'on eût dit qu'elle savait depuis des années qu'en cet instant elle devrait chanter. Quelquefois, je m'étais demandé pourquoi Abélon ne tournait pas vers Dieu les calories de son grand sentiment. Je sais qu'elle tendait à enlever à son amour tout caractère transitif. Mais son cœur véridique pouvait-il s'y tromper? Et ne savait-elle pas que Dieu n'était qu'une direction donnée à l'amour, non pas son objet? Ne savait-elle pas qu'elle n'avait à craindre de sa part aucune réponse? Ne connaissait-elle pas la retenue de cet amant supérieur qui retarde tranquillement le plaisir pour nous permettre à nous, si lents, de montrer et développer notre cœur tout entier? Ou bien voulait-elle éviter le Christ? Redoutait-elle d'être retenue par lui à mi-chemin et à son contact de devenir l'aimée? Est-ce pour cela qu'elle n'aimait pas à penser à Julie Reventlow? Je serais presque tenté de le croire, lorsque je songe qu'on puisse abandonner à cette subtile facilité de Dieu une aimante aussi simple que Metchfield, une aimante fougueuse comme Thérèse d'Avila, une aimante blessée comme la bienheureuse Rose de Lima. Ah, celui qui pour les faibles était secourable était une injustice assez forte, alors que déjà elle n'attendait plus rien que le chemin infini. Encore une fois dans le ciel plein d'attentes, elle rencontre une forme palpable qui les gâte par son accueil et les trouble par sa virilité. La lentille de son cœur rassemble encore une fois les rayons parallèles de leur cœur. Et elle, que les anges espéraient déjà présenter intacte à Dieu, prennent tout à coup flamme et se consument dans la sécheresse de leur désir. Être aimé veut dire se consumer dans la flamme. Aimer, c'est rayonner d'une lumière inépuisable. Être aimé, c'est passer. Aimer, c'est durer. Il est cependant possible qu'Abélon, plus tard, ait essayé de penser avec son cœur, pour, insensiblement et sans intermédiaire, entrer en rapport avec Dieu. Je pourrais imaginer qu'il y a des lettres d'elle qui rappellent l'attentive contemplation intérieure de la princesse Amélie Kalidzine. Mais si ces lettres étaient adressées à quelqu'un qui fut longtemps son proche, combien celui-ci a-t-il dû souffrir de cette transformation? Et elle-même? Je soupçonne qu'elle-même ne craignait rien autant que cette transformation spectrale et ignorée dont on perd constamment toutes les preuves, parce qu'on ne les reconnaît pas. On aura peine à me persuader que l'histoire de l'enfant prodigue ne soit pas la légende de celui qui ne voulait pas être aimé. Tant qu'il était un enfant, tous l'aimaient chez lui. Il grandit, il ne connaissait pas autre chose et s'habitua à leur tendresse douillette tant qu'il était enfant. Mais lorsqu'il fut adolescent, il voulut se défaire de ses habitudes. Il aurait pu le dire, mais lorsqu'il rôdait dehors toute la journée, et il ne voulait même plus avoir les chiens avec lui, c'était parce qu'eux aussi l'aimaient, parce que leurs yeux l'observaient, et prenaient part, attendaient et s'inquiétaient, parce que devant eux non plus, on ne pouvait rien faire, sans réjouir ou blesser. Mais ce qu'il souhaitait alors, c'était cette indifférence intime de son cœur, qui le matin, tôt dans les champs, le saisissait avec une telle pureté qu'il commençait à courir, pour n'avoir ni temps ni haleine, pour n'être plus qu'un léger instant du matin qui prend conscience de soi. Le secret de sa vie, qui n'avait encore jamais été, s'étendait devant lui. Involontairement, il quittait le sentier et courait plus loin, à travers champs, les bras étendus, comme si dans cette largeur, il avait pu s'emparer de plusieurs directions à la fois. Et puis il se jetait n'importe où, derrière un buisson, et il n'avait de valeur pour personne. Il écorçait une flûte de saule, il lançait un caillou dans la direction d'un petit fauve, il se penchait en avant et obligeait un scarabée à faire demi-tour. Tout cela ne devenait pas du destin, et les deux passaient au-dessus de lui comme sur la nature. Enfin venait l'après-midi avec toutes ses inventions. On était un boucanier sur l'île Tortuga, et on n'avait aucune obligation à l'être. On assiégeait Campeche, on prenait d'assaut Veracruz. On pouvait être l'armée entière, ou un chef à cheval, ou un bateau sur la mer, selon l'humeur qui vous animait. Mais si l'envie de vous agenouiller vous prenait, on était aussitôt déodate de Gozon. Et l'on avait abattu le dragon, et l'on apprenait que cet héroïsme était de l'orgueil sans obéissance. Car on n'épargnait rien de ce qui faisait partie du jeu. Mais quel que fût le nombre des imaginations qui surgissaient, on avait cependant toujours encore le temps de n'être qu'un oiseau. Il était incertain lequel. Seulement qu'après, il y avait le retour. Mon Dieu, de quoi fallait-il alors se dépouiller? De combien de choses oublier? Car il fallait oublier pour de vrai. C'était nécessaire. Sinon, on se serait trahi lorsqu'ils insistaient. On avait beau hésiter et se retourner, le pignon de la maison, enfin, apparaissait quand même. La première fenêtre là-haut vous tenait sous son regard. Quelqu'un peut-être y était. Les chiens dans lesquels l'attente s'était accrue toute la journée durant traversaient les buissons et vous ramenaient à celui qu'ils croyaient reconnaître en vous. Et la maison faisait le reste. Il suffisait d'entrer à présent dans son odeur aux plaines et déjà presque tout était décidé. Des détails pouvaient encore être modifiés. En gros, on était déjà celui pour lequel ils vous tenaient ici, celui à qui ils avaient depuis longtemps composé une existence, faite de son petit passé et de leurs propres désirs. Cet être de communauté qui, jour et nuit, était placé sous la suggestion de leur amour, entre leur espoir et leurs soupçons, devant leur blâme ou leur approbation. À un tel être, il ne sert de rien de monter les escaliers avec d'infinies précautions. Tous seront au salon, et il suffit que la porte s'ouvre pour qu'ils regardent tous dans sa direction. Il reste dans l'obscurité, il veut attendre leurs questions. Mais alors vient le pire. Ils lui prennent les mains, ils le tirent vers la table, et tous, autant qu'ils sont, s'avancent curieusement devant la lampe. Ils se tiennent à contre-jour, et sur lui seul tombe, avec la lumière, toute la honte d'avoir un visage. Restera-t-il et mentira-t-il cette vie d'à peu près qu'il lui attribue? Et parviendra-t-il à leur ressembler de tout son visage? Se partagera-t-il entre la véracité délicate de sa volonté et la tromperie grossière qu'il a corrompt pour lui-même? Renoncera-t-il à devenir ce qui pourrait nuire à ceux de sa famille, qui n'ont plus qu'un cœur faible? Non, il partira. Par exemple, lorsqu'ils sont tous occupés à lui préparer sa table d'anniversaire, avec ses cadeaux mal devinés, qui doivent encore une fois tout compenser. Partir pour toujours, beaucoup plus tard seulement, il se rappelle avec quelle fermeté il avait alors décidé de ne jamais aimer, pour ne placer personne dans cette situation atroce d'être aimé. Des années plus tard, il s'en souvient, et comme les autres projets, celui-là aussi a été irréalisable, car il a aimé et encore aimé dans sa solitude, chaque fois en gaspillant toute sa nature, et dans une crainte terrible pour la liberté de l'autre. Il a lentement appris à faire passer les rayons de son sentiment à travers l'objet aimé, au lieu de l'en consumer. Et il était gâté par l'enchantement de reconnaître à travers la forme de plus en plus transparente de l'aimé les profondeurs qui s'ouvraient devant sa volonté de possession infinie. Combien pouvait alors le faire pleurer, des nuits durant, le désir d'être lui-même traversé par de tels rayons? Mais une femme aimée qui cède n'est de longtemps pas encore une femme qui aime. Ô nuit sans consolation, qui lui rendait ses dons en morceaux lourds d'éphémères. Comme il pensait alors au troubadour, qui ne craignait rien tant que d'être exaucé. Il donnait tout l'argent acquis et multiplié pour ne plus recommencer cette expérience. Il les blessait en les payant grossièrement, par crainte de plus en plus grande qu'elles ne pussent essayer de répondre à son amour, car il avait perdu l'espoir de connaître l'aimante qui le traversait. Même au temps où la pauvreté l'effrayait, tous les jours par de nouvelles duretés, où sa tête était l'objet préféré de la misère, et tout usé par elle, et partout sur son corps s'ouvraient des ulcères, comme des yeux de secours, contre la noirceur de ses tribulations, et où il frémissait d'horreur devant les immondices sur lesquels on l'avait abandonné, parce qu'il était pareil à ses ordures. Même alors encore, lorsqu'il réfléchissait, sa plus grande terreur était qu'on lui eût répondu. Qu'étaient toutes ces obscurités auprès de l'épaisse tristesse de ces étreintes dans lesquelles tout se perdait? Ne se réveillait-on pas avec le sentiment d'être sans avenir? N'allait-on pas par-ci et par-là, dépourvu de signification, sans avoir droit à aucun danger? N'avait-on pas dû promettre 100 fois de ne pas mourir? Peut-être l'entêtement de ce mauvais souvenir, qui de retour en retour voulait se conserver une place, faisait-il durer sa vie parmi les ordures? Enfin, on retrouvait de nouveau ce sentiment de liberté. Et alors seulement, durant les années que l'on resta pâtre, ce passé nombreux s'apaisa. Qui décrira ce qui lui arriva alors? Quel poète a le don de persuasion capable d'accorder la longueur de ses jours d'alors avec la brièveté de la vie? Quel art est assez vaste pour savoir évoquer en même temps cette forme mince sous son manteau et toute l'abondance d'espace de ses nuits immenses? C'était le temps où il commença à se sentir une chose dans l'univers, et anonyme comme un convalescent qui hésite. Il n'aimait pas, sauf cependant qu'il aimait à être. L'affection basse de ses brebis ne lui pesait pas. Comme une lumière tombe à travers les nuages, elle se répandait autour de lui et brillait doucement sur les prés. Sur la trace innocente de leur faim, il marchait silencieux, à travers les pâturages du monde. Des étrangers le virent sur l'acropole, et peut-être fut-il longtemps un des pâtres dans les baux? Et vit-il le temps pétrifié survivre à la haute race qui eut beau acquérir tant de 7 et de 3 sans triompher des 16 rayons de son étoile? Ou dois-je l'imaginer à Orange, appuyé à l'arc de triomphe rustique? Dois-je le voir dans l'ombre familière aux hommes d'Alicamps, tandis que son regard, entre les tombeaux qui sont ouverts, comme les tombeaux de ressuscités, poursuit une libellule? N'importe, je vois au-delà de lui. Je vois son existence qui aborda alors le long amour vers Dieu, le long travail silencieux et sans but, car lui qui avait voulu se contenir pour toujours fut encore une fois dominé par la nécessité intime de son cœur qui ne pouvait pas autrement. Et cette fois il espéra être exaucé. Sa nature à laquelle la longue solitude avait prêté une divination imperturbable lui promit que celui-là auquel il pensait à présent serait aimé d'un amour qui rayonne et qui transperce. Mais tandis qu'il désirait d'être ainsi aimé, avec une telle maîtrise, son sentiment habitué aux longues distances comprenait l'extrême éloignement de Dieu. Vinrent des nuits où il crut s'élancer vers Dieu, à travers l'espace, des heures pleines de découvertes, durant lesquelles il se sentait assez fort pour replonger vers la terre et l'enlever, l'emporter sur les hautes marées de son cœur. Il était pareil à un homme qui entend une langue merveilleuse, et fiévreusement se propose d'écrire dans cette langue. La frayeur l'attendait encore d'apprendre combien difficile elle était. Il ne voulut d'abord pas croire qu'une vie entière pût se passer à former les phrases des premiers exercices, qui n'ont pas de sens. Il se jeta dans l'apprentissage comme un coureur dans la course. Mais l'épaisseur de ce qu'il fallait surmonter le ralentissait. On ne pouvait rien imaginer de plus humiliant que ce début. Il avait trouvé la pierre de la sagesse, et voilà qu'on le contraignait à changer sans cesse l'or rapidement produit de son bonheur en le plomb grossier de la patience. Lui qui s'était adapté à l'espace, forait comme un ver des couloirs tortueux sans issue ni direction. À présent qu'il apprenait à aimer avec tant de peine et de chagrin, il lui apparaissait combien négligent et misérable avait été jusqu'à présent tout l'amour qu'il croyait accomplir. Et il comprenait qu'aucun de ses sentiments n'avait pu se développer, parce qu'il n'avait pas commencé à y consacrer le travail nécessaire pour le réaliser. En ces années, les grands changements s'opérèrent en lui. Le dur travail de se rapprocher de Dieu lui fit presque oublier Dieu lui-même. Et tout ce qu'il espérait peut-être à la longue obtenir de lui était sa patience de supporter une âme. Il s'était depuis longtemps détaché des hasards du destin, auxquels tiennent les hommes. Mais à présent, même les plaisirs et la douleur nécessaires perdaient leur arrière-goût épicé et devenaient pour lui purs et nourrissants. Des racines de son être jaillissait la plante forte et vivace d'une joie féconde. Il s'épuisait à s'assimiler, ce qui faisait sa vie intérieure. Il ne voulait rien omettre, car il ne doutait pas que son amour fût et s'accrût en tout. Oui, sa tranquillité d'âme allait si loin qu'il décida de rattraper le plus important de ce qu'il n'avait su accomplir autrefois, de ce qu'il avait laissé passer dans l'attente. Il pensait surtout à l'enfance. Plus il réfléchissait avec calme, plus elle lui paraissait inachevée. Tous ses souvenirs avaient le vague des pressentiments, et qu'il fût ce passé les faisait presque ressortir à l'avenir. Et c'est pour assumer encore, et cette fois vraiment, tout ce passé, que devenu étranger, il retourna chez lui. Nous ne savons pas s'il resta. Nous savons seulement qu'il revint. Ceux qui ont raconté cette histoire essayent, parvenus à ce point, de nous rappeler la maison telle qu'elle était. Car là, il ne s'est écoulé que peu de temps. Un peu de temps compté. Tout le monde dans la maison peut dire combien. Les chiens ont vieilli, mais vivent encore. On rapporte que l'un d'eux poussa un hurlement. Tout le labeur quotidien s'interrompt. Des visages apparaissent aux fenêtres. Des visages vieillis et mûris, d'une ressemblance touchante. Et l'un des visages, l'un des plus vieux, tout à coup pâle, reconnaît. Il reconnaît? Vraiment, ne fait-il que reconnaître? Il pardonne. Pardonne quoi? Mais non, l'amour. Mon Dieu, l'amour. Lui, que l'on a reconnu, il n'y pensait même plus, tout occupé qu'il était. Il ne pensait même plus que l'amour pût encore être. Il est explicable que de tout ce qui arriva alors, on ne nous est transmis que ceci, son geste, le geste inouï que l'on n'avait jamais vu auparavant, le geste de supplication avec lequel il se jeta à leurs pieds, les conjurant de ne pas l'aimer. Effrayés et chancelants, ils le relevèrent. Ils interprétèrent son élan à leur manière, en lui pardonnant. Il a dû se sentir singulièrement rassuré que tous, malgré l'évidence désespérée de son attitude, se soient mépris. Il put probablement rester, car de jour en jour, il reconnut davantage que l'amour dont ils étaient si vaniteux et auquel ils s'encourageaient en secret les uns les autres ne le concernait pas. Il avait presque envie de sourire lorsqu'il s'efforçait, et il devenait clair combien peu il pouvait penser à lui. Que savait-il de lui ? C'était maintenant terriblement difficile d'aimer, et il sentait qu'un seul en serait capable, mais celui-là ne pouvait pas encore. Fin des cahiers.